بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, celui qui fait largement miséricorde. قل هو الله أحد. Dis, il est Allah, l'unique. الله الصمد. Allah est celui qui est sollicité par ses créatures pour combler leurs besoins. لم يلد ولم يولد. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus. ولم يكن له كفوا أحد. Et rien ni personne ne lui est équivaut.